Ainsi, Rome n'a point séparé son estime. Elle eût cru faire ailleurs un choix illégitime. Cette superbe ville, en vos frères et vous, trouve les trois guerriers qu'elle préfère à tous. Et son illustre ardeur d'oser plus que les autres, d'une seule maison brave toutes les nôtres. Nous croirons à l'avoir tout entière en vos mains, que hors les fils d'Horace, il n'est point de Romain. Ce choix pouvait combler trois familles de Loire, consacrer hautement leurs noms à la mémoire. Oui, l'honneur que reçoit la vôtre par ce choix en pouvait à bon titre immortaliser trois. Et puisque c'est chez vous que mon heure et ma flamme m'ont fait placer ma sœur et choisir une femme, ce que je vais vous être et ce que je vous suis me font y prendre part autant que je le puis. Mais un autre intérêt tient ma joie en contrainte, et parmi ces douceurs mêle beaucoup de crainte. La guerre, en tel éclat, a mis votre valeur, que je tremble pour Albe, et prévois son malheur. Puisque vous combattez, sa perte est assurée, en vous faisant nommer le destin l'a juré. Je vois trop dans ce choix ses funestes projets, et me compte déjà pour un de vos sujets. Loin de trembler pour Albe, il vous faut plaindre Rome, voyant ce qu'elle oublie et les trois qu'elle nomme. C'est un aveuglement pour elle bien fatal d'avoir tant à choisir et de choisir si mal. Mille de ses enfants, beaucoup plus dignes d'elle, pouvaient bien mieux que nous soutenir sa querelle. Mais, quoique ce combat me promette un cercueil, la gloire de ce choix m'enfle d'un juste orgueil. Mon esprit en conçoit une mâle assurance. J'ose espérer beaucoup de mon peu de vaillance. Et du sort envieux, quels que soient les projets, je ne me compte point pour un de vos sujets. Rome a trop cru de moi. Mais mon âme ravie remplira son attente ou quittera la vie. Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement. Ce noble désespoir périt malaisément. Rome, quoi qu'il en soit, ne sera point sujette que mes derniers soupirs n'assurent ma défaite. Hélas, c'est bien ici que je dois être plein. Ce que veut mon pays, mon amitié le craint. Dures extrémités de voir Albe asservie, ou sa victoire au prix d'une si chère vie, et que l'unique bien autant de ses désirs s'achète seulement par vos derniers soupirs. Quel vœu puis-je former, et quel bonheur attendre? De tous les deux côtés j'ai des pleurs à répandre, de tous les deux côtés mes désirs sont trahis. Quoi, vous me pleureriez mourant pour mon pays? Pour un cœur généreux se trépasse à des charmes. La gloire qui le suit ne souffre point de larmes. Et je la recevrai en bénissant mon sort, si Rome et tout l'État perdaient moins en ma mort. À vos amis, pourtant, permettez de le craindre. Dans un si beau trépas, ils sont les seuls à plaindre. La gloire en est pour vous, et la perte pour eux. Il vous fait immortel, et les rend malheureux. On perd tout quand on perd un ami si fidèle. Mais Flavian m'apporte ici quelques nouvelles. Que désormais le ciel, les enfers et la terre unissent leur fureur à nous faire la guerre. Que les hommes, les dieux, les démons et le sort préparent contre nous un général effort. Je mets à faire pis en l'état où nous sommes, le sort et les démons et les dieux et les hommes. Ce qu'ils ont de cruel, d'horrible et d'affreux l'est bien moins que l'honneur qu'on nous fait à tous deux. Le sort qui de l'honneur nous ouvre la barrière offre à notre constance une illustre.